les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'opérette, pour Jacques Rochouz, c'est la fête. Pour Arletty aussi, la preuve, quel luxe, elle titrait l'émission. L'été 1986, sur France Culture, l'opérette, oui, c'était la fête et le voyage, de ville en ville, un tour de France des salles et des spectacles, au pas d'un petit poney, au bruit joyeux des grelots. Cette nuit, Reims. L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rochouz. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Nous sommes toujours à Reims, où nous retrouvons une jeune chanteuse, venue à l'opérette un peu par hasard, mais qui occupe une place de plus en plus importante à l'affiche du Grand Théâtre, Marie-Claire Legrand, qui rêve de Mozart. In uomini, in soldati, sperare fedeltà. Marie-Claire Legrand, il y a une chose qui m'intrigue quand même un petit peu. Quand on a eu ses premiers prix au Conservatoire de Lille, puis obtenu un DUG de musicologie à la Sorbonne, et quand on adore Mozart, qu'est-ce qui peut amener une jeune femme comme vous à l'opérette ? Mais en fait, c'est plutôt parce que j'ai eu envie de faire du chant que j'ai fait tout ça. Ouais. Disons que j'ai commencé tout bêtement dans une chorale, faire ça en, comment dire, en dilettante, pas plaisir, comme beaucoup de gens font. Et puis la chorale m'a amenée au conservatoire. Et le conservatoire, comme c'était quelque chose qui ne paraissait pas très sérieux pour maman, j'ai pris le biais de faire un doc de musicologie, ce qui paraît beaucoup plus sûr. C'est plus chic. Voilà, c'est plus chic. Et puis ça fait surtout quelque chose de plus concret. Et puis ça m'a permis de continuer à étudier le chant à côté. Mais j'ai très vite laissé tomber l'enseignement et la musicologie, parce qu'en fait, c'est pas une chose qui me... C'est intéressant, mais je veux dire, l'enseignement, c'est pas une chose qui me convient, disons. Il y a des personnes qui sont très bien là-dedans, pas moi. Mais j'aime le chant. Alors, dans l'opérette, vous avez commencé comment? Alors, donc, la première fois, j'ai fait des chœurs. Ouais. Hein, j'ai fait la réouverture de la vie du Châtelet, quand ils ont fait La Vie parisienne au Châtelet. Mm-hmm. C'était mon premier engagement, ça a été assez extraordinaire pour moi. J'étais jamais montée sur scène. Et puis, je me suis retrouvée sur cette scène du Châtelet qui est extraordinaire. Et la première fois dans le temple de l'opérette. Et dans le temple de l'opérette, bien sûr. Je faisais en même temps un tout petit rôle, puisque je faisais une des nièces de la vie parisienne. C'est quelque chose de très petit, mais quand on n'a jamais rien fait, c'est extraordinaire. Et puis voilà, ça a été mes premiers pas. Et puis après... Après, j'ai passé l'audition des directeurs de théâtre qui existait encore à cette époque, qui est une audition un peu difficile parce qu'il y a énormément de monde. On arrive là, on a l'impression d'être un peu à l'abattoir. Bon, mais M. Philippi, qui était directeur à Dijon, qui est toujours d'ailleurs, m'a engagé sur cette audition et m'a fait faire beaucoup de choses. Ah bon? Voilà. Il m'a engagé dans son théâtre et il m'a donné la possibilité de faire beaucoup de rôles, quoi. Mmh. Et il m'a donné ma chance, dans une certaine manière. Oui, il m'a fait faire beaucoup de choses en opéra, en opérette. Et puis voilà, maintenant je suis à Reims, pas seulement à Reims. Comment vous êtes arrivée à Reims ? Eh bien, je me suis mariée, voilà. Et ça a changé la direction de ma vie, quoi. Dans le sens où je voulais quitter Dijon parce que je pense que j'avais fait à Dijon le maximum de ce que je pouvais faire. Et puis j'avais envie d'essayer de me lancer d'une manière un peu plus concrète. Et je me suis mariée. Et mon mari a été nommé relations publiques et régisseur à Reims. Je l'ai suivi, donc je travaille à Reims, mais je ne travaille pas qu'à Reims. Mmh, voilà. Voilà. Alors je voulais vous demander, est-ce que maintenant vous allez laisser votre carrière se dérouler comme ça, au gré des rencontres, des propositions? Ou bien est-ce que vous avez, vous, un plan de carrière? Vous avez un but, un modèle, une chanteuse qui vous serve d'exemple? Est-ce que vous vous dites, tiens, j'aimerais faire cette carrière-là? Ou est-ce que vous dites, bon, on va bien voir? J'aime faire une carrière, mais je ne veux pas que ça soit au prix de ma vie privée. C'est-à-dire que je trouve que je ne peux pas risquer, par exemple, ma vie de couple ou un truc comme ça pour une carrière. Enfin, je veux que ça soit... J'aimerais le faire, parce que j'aime ça. Bon, ça, c'est certain. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup de tout... Enfin, pour moi, non. Mais je veux travailler, c'est sûr, je veux le faire. Mais je ne veux pas, par exemple, partir 2 mois de suite ou ne pas pouvoir rentrer. Je crois qu'à ce moment-là, c'est plus une... Enfin, c'est un choix à faire, hein, mais... Donc l'an prochain, on vous verra beaucoup à Reims. Bien sûr. Hein, dans quel rôle ? Madame me donne Stefano de Roméo et Juliette. Et puis en opérette, Germaine de Cloche, Fiametta de la Mascotte... puis, je ne sais plus, il y a dans la Jamaïque, Olivia, un rôle de texte dans La Canebière. Et puis, voilà, je ne sais plus, je crois qu'il y a encore quelque chose, mais je... Non, je crois que c'est tout. Après, je crois que c'est tout sur Reims. Et ailleurs, après. Et bien, après, je fais l'ouverture à Troyes, et puis il y a d'autres projets qui ne sont pas signés, disons, donc j'en parle pas. Et le rôle de votre vie, qu'est-ce que ça serait ? Ce que j'aimerais, mais pas tout de suite, parce que je ne me sens pas prête, c'est de faire des soubrettes de Mozart. Ah, ouais. Mais je veux le faire en me faisant plaisir, c'est-à-dire en le faisant, en étant capable de maîtriser parfaitement ça. Vous l'avez travaillé déjà? Oui, bien sûr, mais je crois que pour se faire plaisir sur scène, il faut être très sûr de soi et être à l'aise et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Un document, ce n'est pas Mozart, mais la Danza de Rossini, par Elisabeth Schwarzkopf, enregistrée en 1944, à l'époque où elle chantait encore les soubrettes. Mamma mia, si sentirà l'ora della danza. non me mancherà. Già, quando lei mezzo al mare, mamma mia, si sentirà. L'ora è bella per alzare, che non me mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si sentirà. Presto un danzo, tondo, tondo, donne, venite, conca, son meneggio, conca, ciascuno toccherà. Finché c'è la luna stella e la luna splenderà, e più bello con gli occhi bella, tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, si sentirà. Finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si sentirà. Finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si sentirà. Je crois que pour moi, c'est l'opérette est un art que j'aime, même si certains le considèrent comme mineur. Moi, je trouve que c'est quelque chose. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux, oui. Je trouve que c'est un art qui est complet, parce qu'il y a la comédie, il y a la danse, il y a le chant. L'opéra, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est sûr. C'est une dimension musicale qui est beaucoup plus importante, et artistique qui est sûrement aussi très importante. Mais l'opérette, finalement, pour nous, ce sont. On peut faire ses armes déjà dans l'opérette. Je crois que quand on arrive à faire l'opérette, ça ne veut pas dire qu'on peut faire de l'opéra, mais ça nous donne de bonnes bases, ça nous donne une aisance scénique déjà, parce que je crois que si on fait de l'opérette, il faut être à l'aise. Donc ça a été une révélation pour vous ? Ah oui, absolument. Ah. Oui. L'opérette, moi j'aime. J'aime le côté comédie aussi, ça me plaît beaucoup. Et c'est un peu étrange chez vous, c'est même sympathique. Cette révélation, vous avez découvert. Ah oui, c'est tout à fait par hasard. Ça, oui, j'avoue que j'aurais jamais pensé. On m'aurait dit à 16 ans, tu auras ça. J'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est d'abord ? Parce que je ne savais pas ce que c'était à la limite. Il y a un rôle dans l'opérette qui vous passionnerait ? Ah, bien. Il faut bien y penser quand même. Il y a. Bon, par exemple, les cloches de Corneville l'année prochaine. Serpollette est un rôle qui est très très agréable. Enfin, j'aime beaucoup le personnage de Serpollette. Dans ma mystérieuse histoire, tu me parais surnaturel. Et d'abord, il serait incroyable que je suis vraiment tombée du ciel. J'avais deux ou trois jours à peine et gentiment je sommeillais quand le père Gaspard dans la plaine me trouva sur des cerfs-volets. Sans doute il pensa, je le présume, que j'étais la fille d'un roué. Mais comme je n'avais pas de costume, je n'avais pas de papier sur moi. À défaut d'acte de naissance, sur mon pays, sur mes parents, je n'avais pas assez de connaissances pour lui donner des renseignements. Mais le père Gaspard dit des pompettes sans savoir comment je m'appelais, m'appela tout bonnement Serpollette, vu que j'étais sûre des serpollets. Mais je me figure sans cesse depuis que j'ai l'âge de raison que je suis la fille d'une princesse et qu'on m'a volé mon blason. Je vois des traîtres qui s'apprêtent à m'enlever de mon palais, des conspirateurs qui me jettent sur mes parrains les serpollets. Bref, je ne suis rien, mais je suppose que je suis quelqu'un à mon avis. La preuve même que je puis être quelque chose, c'est que je ne sais pas du tout ce que je suis. Tout le monde croit me connaître. Merci à Montserrat Caballé de nous rappeler l'anniversaire du jour, car vous savez que cette émission est une émission sérieuse. L'anniversaire d'aujourd'hui est donc celui de la fameuse bataille de Soissons qui eut lieu en l'an 86, il y a donc 1900 ans. 10 ans après, Clovis était baptisé par Saint-Rémy à Reims, où justement nous sommes encore ce matin. Voici donc un document. Clovis, interprété par Dranem, avec Arletty, qui annonce chaque jour l'émission. La scène se passe quelque temps après la bataille, ou avant, allez savoir. En l'an de grâce 487, Clovis, roi des Francs, campe dans la ville de Soissons. Sous la tente royale, la favorite blonde Hilde file au rouet. Si batailler, c'est le métier journalier des guerriers. Nous, les amantes, on se lamente dans la tente, sous la tente. Et si le roi Clovis doit chevaucher son palfroi, Dieu, dites-moi quand, de ce camp, je pourrais ficher le camp. Frida, une autre fois tu secours à les haricots secs lorsque j'aurai fini de chanter. Ya. Ah, Frida, je m'ennuie comme un pot d'hydromel derrière un coffre. Quand je pense que ça fait 12 lunaisons que nous marinons dans la bouillasse devant cette dernière ville de Soissons, j'en deviens folle. C'est Clovis. Laisse-moi, Frida. Hail, Clovis. Bonjour, blonde Hilde. Bonjour. Vous n'avez pas l'air de suer la rigolade, mon cher Sicambre. Voyons, déharnachez-vous. Asseyez-vous. Ouf. Et puis retirez cette couronne. Ah non, blonde Hilde, tout ce que tu voudras, tout, mais pas la couronne. Zut alors, si tu crois que c'est marrant d'être embrassé par un bonhomme qui garde en toute occasion sa couronne sur la tête. Blonde Hilde, ne bouscule pas la couronne ou je vais me fâcher. Alors laisse-moi faire. Mets-la un peu en arrière, comme ça. Ah non, voyons. Si, ça te va mieux, tu sais, ça te fait plus jeune, je te jure. Oh, si tu voulais, mon petit Clo-Clo joli. Amour, si tu voulais. Quoi? Moi, à ta place, je donnerais Soissons pour rien. Pour du haricot? Oui. Et je rejoindrai Lutèce, ta capitale. Oh, Lutèce. Nous irions à Lutèce tous les deux. Tous les deux. Et mon cœur amoureux te verserait l'allégresse. Envoyez l'allégresse à Lutèce. Mais mon bibelot d'amour, je te promets que c'est impossible. Allons, allons, ça y est, tu n'es pas raisonnable. Tandis que je me débats avec les tracas de l'État, sur ton lit, toi tu lis les poèmes de Géraldine. Blonde Hilde, quand je t'ai demandé d'être ma favorite, j'étais franc. Blonde Hilde, t'as vu que j'étais sur mes cartes de visite, l'envoi des Francs. Puisque t'as accepté, y a pas à discuter, t'as tort de rouspéter. Tu m'avais dit comme ça qu'on vivrait à Lutèce. Est-ce ma faute si on ne parvient pas à mettre les menottes sur le soldat qui a fauché le vase de Soissons? Pourquoi tu fais serment de rester là tant qu'il ne serait pas arrêté? Parce que je croyais qu'on le trouverait tout de suite. Quand je pense que le jour où Saint-Rémy a déposé sa plainte, tu as dit « vite » et tout, et depuis un an, pas ça. Alors la rumeur publique accuse tes cousins, ton neveu et moi-même d'avoir trempé... Dans le vase? Naturellement. Oh, j'en suis vaseux avec ce vase. Tu vois bien ma poule d'Austrasie, que je ne veux pas quitter Soissons. Où vas-tu? Je vais passer mes trouves en vue. C'est une manie. Enfin, si on te désignait le coupable. Je jure de l'exécuter séance tenante et de partir immédiatement pour Lutèce. C'est bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Frida, Frida, va me chercher le chef de la police. Ya. Demain, au petit jour, que tout soit prêt à charger dans les chars à bœufs. Et à toute vitesse... Nous irons à Lutèce tous les deux, et mon cœur amour... Qu'est-ce qu'il y a? Mais ma parole, ce sont les guerriers qui acclament le roi, qu'ils ont hissé sur un bouclier. Mademoiselle, tout s'est passé comme vous le désiriez. Vous voyez que quand on veut... Mais voici le roi. Merci, Méleude, merci. Merci. Eh bien, Pierre Sicambre, êtes-vous satisfait? Oui et non. J'ai un clou de bouclier qui m'est rentré dans la fesse droite. Toute médaille a un envers. Moi aussi, et ça ne m'amuse pas qu'il soit abîmé. Mais au fait, monsieur le chef de la police, comment avez-vous enfin trouvé le criminel du vase de Soissons? Il y a longtemps que je le filais, sire. C'est curieux, il me semblait plus petit, plus ramblé. C'est possible. Comment ça? Qu'il est maigri, j'admets, mais rapetissé. Avec le progrès, sire, on voit tellement de choses. Tout de même, quand je lui ai dit « Souviens-toi du vase de Soissons », Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il avait la tête fendue en deux. Alors tout va bien? Oui, tout va bien. Vos guerriers vous acclament. Je suis le fureur qui fait fureur. Le peuple va s'arracher les éditions spéciales que les journaux ne vont pas manquer de faire paraître. Les affaires vont prendre, c'est possible. Mais que doit penser le vrai coupable? Ça, il doit bien rigoler. Enfin, le principal, c'est que cette affaire soit finie et que nous puissions aller vivre à Lutèce tous les deux. J'ai compris. Décidément, pour certaines choses, je commence à croire que les femmes sont plus fortes que les hommes. Et quand tu l'oublieras, mon chéri, je te glisserai dans le tuyau de l'oreille. Souviens-toi, souviens-toi, Clovis, oh mon mignon, souviens-toi, souviens-toi du vase de Soissons. Et si tu fais semblant de ne pas comprendre, je te répéterai encore beaucoup plus tendre. Souviens-toi, souviens-toi, Clovis, oh mon mignon, souviens-toi, souviens-toi du vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons, Clovis, souviens-toi du vase de Soissons. Quittons Reims pour Bordeaux, où nous arriverons demain avec l'ami d'Assari. Partons au bruit joyeux des grelots, dans le joli trémolo, s'envolent tous les échos. Qui trotte vers l'aventure, partons, adieu le vieux donjon cerné de lierre et de pigeons. Adieu le presbytère ou le curé, disons pater. Adieu, lisons, adieu, suçons, compagne des persaisons. Quête de vrai bonheur, l'amour chante dans nos cœurs, au pas d'emponner mon cœur. Et trotte vers le bonheur. Partons au pas d'un petit poney. Et trotte, partons, allons ensemble. C'est la fête par Jacques Rochouze, réalisation Nathalie Trianda-Philides, première diffusion sur France Culture le 6 août 1986.